L'actualité à Nancy et ailleurs. Katia Astafieff, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe des Jardins botaniques du Grand Nancy. Des nouveautés cette année et plusieurs expositions vont rythmer l'été du Jardin botanique Jean-Marie Pelt notamment, mais également on abordera la question du Jardin du Haut-Châtelet. Alors dites-nous déjà, qu'est-ce qui attend les visiteurs cette année, notamment au Jardin botanique Jean-Marie Pelt? Alors plein de choses en fait, hein, parce qu'en fait on a une très belle programmation d'été avec des expositions, des animations, des ateliers, des choses pour les familles, les enfants, une programmation culturelle aussi dans un nouvel amphithéâtre de verdure. Donc plein de choses. Voilà. Cet amphithéâtre de verdure, c'est une des nouveautés cette année. Où est-ce qu'il s'est installé plus particulièrement? Alors il est vraiment situé au cœur du jardin botanique, dans un espace qu'on appelle le jardin de l'évolution, qu'on vient d'inaugurer tout récemment. Et ce jardin de l'évolution explique l'évolution des plantes à fleurs. Donc elle a été complètement rénovée. Donc on présente de manière très pédagogique les principes de l'évolution, les grandes familles végétales. Donc là, c'est un peu une collection assez botanique dans laquelle on a installé différentes zones de médiation pour expliquer, par exemple, la morphologie des plantes à fleurs, une zone où on présente l'histoire des botanistes qui ont marqué l'histoire des classifications botaniques sous forme d'audio. Et puis, effectivement, dans cette collection, on a créé un nouvel espace qui est donc un théâtre de verdure. Et pendant tout l'été, tous les dimanches après-midi, on présente des spectacles, des concerts, du théâtre, pour tous les publics, certains plus pour adultes, d'autres pour les enfants. Enfin voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde pendant tout l'été. Et rappelons que l'accès au jardin botanique est gratuit. Le parc est toujours entièrement gratuit. Il y a juste une entrée pour les serres tropicales et l'exposition qui est à l'entrée des serres tropicales. Alors parlons de cette exposition qui cette année est consacrée aux plantes carnivores. C'est même encore autre chose. D'ailleurs, effectivement, on a une nouvelle serre sur les plantes carnivores. On a profité des confinements et des périodes de fermeture pour travailler pas mal justement et puis pour remettre à jour un certain nombre de collections. On a amélioré la signalétique, on a fait pas mal d'améliorations pour mieux accueillir le public dans le jardin botanique et notamment effectivement dans les serres tropicales. On a créé tout un nouvel espace, une nouvelle serre entièrement consacrée aux plantes carnivores puisqu'à Nancy on a une collection de plantes carnivores assez exceptionnelle hein, avec 700 espèces. C'est une des plus belles collections d'Europe et on a reconstitué même les milieux d'origine un petit peu de ces différentes plantes puisque certaines vivent dans des tourbières, d'autres dans des marais, d'autres sur des falaises et donc on présente un peu les écosystèmes de différents pays. Hein. On voyage en Espagne, en Australie, aux États-Unis, enfin et à chaque fois on présente un petit peu le milieu d'origine de ces différentes plantes carnivores. Donc ça maintenant ça va être quelque chose de permanent et à chaque visite les visiteurs pourront passer par cette serre. Par contre on a une salle d'exposition à l'entrée des serres tropicales et là on propose chaque année des expositions temporaires. Et donc cette année c'est une expo d'art contemporain qui s'appelle Le Temps du Végétal, donc qui a démarré le 21 mai et qui durera jusqu'au 3 octobre prochain. Et là, on a travaillé avec une commissaire d'exposition là, qui s'appelle Pauline Nizowski, qui nous a proposé 7 artistes d'art contemporain qui travaillent chacun autour du végétal, qui s'inspirent des plantes pour créer de très très belles choses. Donc il y a de la photo, des sculptures, des créations, de l'illustration, enfin, il y a plein de choses. C'est très très beau et donc là, ça va être encore tout l'été hein, pour voir un petit peu le végétal autrement. Et donc c'est une des 5 expositions qu'on présente en ce moment au Jardin botanique. À ne pas rater. Vous l'avez dit, au Jardin botanique, on voyage beaucoup, un peu partout dans le monde. Vous, d'un point de vue personnel, quand vous vous promenez, quand vous voyagez au sein du Jardin botanique, est-ce qu'il y a un endroit qui vous plaît particulièrement, où vous aimez refaire des découvertes? Alors, c'est un grand avantage de ce Jardin botanique, c'est qu'il est très grand et qu'on présente vraiment des plantes du monde entier. Et donc, effectivement, c'est un voyage perpétuel. On peut venir à toutes les saisons et à chaque fois, on voit des choses différentes. Par exemple, dans les serres tropicales, c'est un voyage tous les tropiques toute l'année. Hein. Alors là, on peut s'imaginer en Amérique du Sud, en Indonésie, enfin dans plein de régions différentes. Il y a toute une serre consacrée aux plantes rares des îles Mascareignes. Donc là, on peut s'imaginer à l'île de la Réunion, aux Mascareignes, enfin dans des coins assez intéressants avec des plantes très très belles. Et puis, dans le parc, là, c'est pareil. Hein. On a des plantes d'un petit peu partout. Il y a un arboretum qui est très très beau où là, on fait un tour du monde carrément des arbres de l'hémisphère nord, enfin même des régions tempérées d'ailleurs, parce qu'on passe un peu par le Chili aussi. On a aussi, par exemple, en ce moment, dans les collections plantations qui sont absolument superbes, c'est l'alpinum. Donc là, c'est une présentation des plantes de montagne, alors les montagnes du monde entier. Alors là, on passe par la Chine, la Sibérie, le Maroc, enfin voilà, donc on va dans un peu de différentes régions montagneuses du monde et on a des floraisons vraiment, vraiment superbes. Et puis, bah, cette année, entre l'humidité assez importante ces derniers temps et puis le soleil, les plantes sont absolument superbes. Donc, en fait, tout est magnifique. On a l'embarras du choix pour s'évader un petit peu en venant au jardin botanique. Voilà, le jardin botanique Jean-Marie Peltre. Vous parliez d'ambiance montagneuse. On va peut-être faire quelques kilomètres maintenant pour se rendre dans les Vosges avec le jardin d'altitude du Haut-Châtelet qui, là, rouvre ses portes aussi cet été. Une autre ambiance, là aussi. Voilà, alors là, c'est un peu une annexe du jardin botanique de Nancy, donc qui est ouvert chaque année du 1er juin au 30 septembre. Hein, après, on peut être vite sous la neige. Et là, effectivement, c'est un jardin uniquement consacré aux plantes de montagne, donc avec une très belle diversité aussi d'espèces des montagnes du monde entier. Hein, donc ça fait aussi voyager, avec certaines plantes, justement, qu'on n'arrive pas à cultiver à Nancy, mais là-bas, avec le climat de montagne, justement, bah, on arrive les présenter correctement, hein, puisqu'en fait, sur la route des Crêtes, à 1200 mètres d'altitude, on a à peu près le même climat que dans les Alpes à 2000 mètres. Donc ça permet vraiment de cultiver des plantes de zone montagnarde. Et en plus, il y a une tourbière et une hêtraie d'altitude. Donc deux milieux naturels, deux zones écologiques remarquables aussi et extrêmement intéressantes. Donc c'est aussi un très beau jardin dans lequel on peut aussi s'évader un peu pendant l'été. Et cette année, pour la première fois, on accueille également une expo de photos de deux photographes naturalistes qui travaillent notamment autour de la fourmi et puis du monde des petites bêtes. Donc c'est Martine Huvin et Julien Michel, deux photographes de la région qui font des très belles choses. Et là, donc, on propose une expo en plein air, hein, dans le jardin de leur photographie. Voilà, il y a un site internet, hein, où on peut retrouver les informations pour préparer éventuellement sa visite. Hein, c'est le www.jardinbotaniquedenancy.eu. Un dernier mot peut-être sur un événement qui approche, c'est la 17e Nuit européenne des musées. C'est le 3 juillet. De quelle manière vous allez le fêter au Jardin botanique ? Alors, on propose aussi une soirée. Hein. En fait, c'est un événement qu'on fête, bien entendu, tous les ans. Hein. C'est un peu un incontournable. Et donc, le jardin sera ouvert de 20h à minuit avec pas mal de surprises. On aura notamment une personne, un intervenant qui travaille sur des objets sonores, des instruments de visite faits avec des matériaux naturels. Donc, ça va être une présentation assez intéressante. On aura aussi une découverte des chauves-souris avec l'association IRUS. Donc, on a des chauves-souris dans le jardin botanique, hein, donc il y aura un atelier pour les expliquer un petit peu leur mode de vie, et puis une sortie pour essayer de les écouter dans le jardin botanique. Il y aura aussi un grand jeu de 20h à 22h, et ensuite, quand il fera vraiment nuit, des visites à la lampe de poche. Donc ça devrait être sympa aussi, parce que c'est aussi une ambiance, mais complètement différente, hein, quand on vient le soir au jardin botanique, une ambiance souvent un petit peu magique, hein, qu'on n'a pas dans la journée, donc ça devrait être une très belle soirée. Voilà, donc on vous souhaite quoi pour cet été? Plein de visiteurs et plein de découvertes encore? Voilà, tout à fait. Plein de visiteurs qui partiront peut-être pas forcément trop loin en vacances, mais qui pourront venir voyager au jardin botanique. Merci beaucoup, Katia Stafiev. Merci à vous, au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.